Dans l'épître à Timothée, comme nous faisons depuis quelques semaines, nous sommes en train de regarder les règles de conduite, comment il faut se conduire dans l'Église de Dieu. Je parlais cette semaine avec des chrétiens, puis je leur disais, est-ce que c'est une règle de conduite dans l'Église absolue ou c'est juste une règle de conduite culturelle ou selon ce qu'on veut bien faire? Parce que c'est le danger. Nous avons tendance, en tant que chrétiens, de faire des absolus avec ce qui n'est pas des absolus. C'est notre tendance. Et quand on étudie l'histoire de l'Église, elle a tendance, par certaines périodes de son histoire, à aller vers, à faire des absolus avec des non-absolus. Et d'autres tendances, des fois, dans d'autres périodes de son histoire, elle rejette des absolus, complètement ce qui est absolu, puis à s'en va vers ce qui est des non-absolus. On en fait des absolus. Donc, c'est vice-versa qui se fait. Donc, il faut faire attention à cela et toujours retourner aux Écritures pour voir qu'est-ce qu'elle m'a dit et qu'est-ce qu'elle dit, est-ce que c'est applicable pour nous. Parce que la Bible a dit des choses, des fois, qui ne sont pas applicables pour nous. Faut toujours voir est-ce que ça s'appliquait au peuple d'Israël, est-ce que c'était pour les disciples, est-ce que c'était pour les apôtres, est-ce que c'était pour tout le monde, est-ce que ça avait une période de temps donnée, cette chose-là. Parce que Dieu ne fait pas toujours la même chose, il ne fait pas toujours traverser la mer à sec à tout le monde, là. Travailler toute l'histoire, ça fait une fois, c'est pas à cause qu'il a fait qu'il va le refaire. Hein. Donc, des fois, Dieu a fait des choses, Dieu ne change pas, mais les actes qu'il fait changent, on les voit changer à travers les périodes du temps. Et on voit bien, facile à comprendre pour vous autres, puis pour moi, la période du temple avec tous ses sacrifices et la période de l'Église, qu'il n'y a plus aucun sacrifice, il y a eu un sacrifice dans toute l'histoire de l'Église, le sacrifice de Jésus-Christ. C'est fini. Donc, c'est le même Dieu, mais c'est des périodes différentes. Il faut faire la différence entre les deux. Et des fois, les gens vont vouloir faire des pratiques de l'Ancien Testament, mais les choisir, puis dire, ceux-là, il faut les faire. Mais pourquoi tu ne fais pas toutes les autres? Il faut faire attention à cela aussi. Jusqu'à date, on a vu que Paul a parlé des hommes. Quand on a parlé de la prière, je veux que les hommes élèvent des mains, quand ils vont prier, qu'ils prient pour les dirigeants, les dit, etc. On a vu ça ensemble. Ensuite, il nous a parlé des femmes, comment les femmes devaient faire dans l'Église, qu'est-ce qu'ils devaient faire ou ne pas faire, que les femmes pouvaient, comment ils devaient s'habiller, comment ils devaient se faire les choses, comment ils ne devaient pas enseigner, ils devaient écouter en silence. On a tout vu ça ensemble. Et là, on a vu la semaine passée les anciens dans l'Église, qu'est-ce que c'était des anciens, comment on devait les mettre en place et quels sont les critères pour les mettre en place. Et ce soir, on est rendu au diacre, au verset 8. Nous allons voir maintenant qu'est-ce que c'est sur les diacres. Et quand vous entendez le mot diacre, je pense à Joanne, je pense à Lucie, je pense à Lise. Je me demande si ça avait déjà été dans une église jusqu'à des diacres. À la non, il n'y en a jamais eu dans le temps que moi j'étais là, depuis 2000. Je ne pense pas qu'il y en avait avant. Donc, vous n'avez pas connu c'était quoi des diacres comme tel, Lise encore moins. Je pense que si à Montréal, on n'a pas eu non plus. Donc, qu'est-ce que c'est des diacres? Toi, tu as peut-être connu ça, peut-être pas beaucoup non plus. C'est quelqu'un qui peut remplacer le pasteur. OK. Donc, tu vois, ça, c'est la pensée un peu québécoise qu'on a, puis anglophone. Les diacres, c'est, dans le commentaire, dans le dictionnaire, c'est marqué laïc protestant, remplissant bénévolement certaines fonctions, mais c'est un revêtu du second ordre sacré. Donc, il y a les pasteurs et les diacres, ou dans l'Église catholique, les prêtres et les diacres. Maintenant, ils ont des diacres dans l'Église catholique aussi. Même, ils ont des anciens maintenant dans l'Église catholique. Donc, c'est comme une coche, c'est comme le prêtre et l'abbé. C'est pas l'abbé, oui, c'est ça, les abbés. Il y avait des abbés, là. Il y avait le prêtre, je me souviens dans mon dernier, c'est le prêtre M. Hull, puis il y avait aussi l'abbé Pinard, c'était le soufif, mais c'est pas ça, c'est le celui qui subalterne dans l'hierarchie. Et souvent, on parle dans nos églises baptistes, les diacres, c'est ceux qui sont avec les pasteurs, juste en dessous du pasteur, puis ils sont les deuxièmes en importance dans l'Église, dans la hiérarchie, si on peut dire comme ça, dans l'Église. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est ça que la Bible a dit? Chez les anglophones, le bien des diacres jouent le rôle d'anciens, mais ils ont juste le titre de diacre. Et toi, tu as dit, il va remplacer le pasteur. C'est-à-dire qu'il y a un rôle de remplacer le pasteur s'il n'est pas là. Et quand le pasteur s'en va ou démissionne, ou il est mis dehors, ou il tombe malade, ou il tombe mort, les diacres prennent la charge de l'Église. Mais est-ce que c'est ça, la Bible a dit? Je ne dis pas que c'est mal de faire ça. Mais est-ce que c'est un absolu? On va voir que peut-être que non. Peut-être que c'est juste notre tradition dans nos églises baptistes qui fait ça. Et dans nos églises baptistes, on en a fait un titre officiel, les diacres dans l'Église. Ça veut dire quoi, ça? Quelle différence qu'il y a entre le diacre et l'autre côté qui n'est pas diacre? Et est-ce que lui a des privilèges de plus? Est-ce qu'il a des privilèges de moins? Est-ce que ça lui donne des privilèges dans l'Église? Donc, quand quelqu'un chez nous, en tout cas, vous savez, quand j'étais voté, quand on mettait des diacres en place, c'était des gens qui étaient automatiquement sur le conseil de l'Église. Et automatiquement, ils étaient en charge d'un groupe. Mettons, diacre du bâtiment, il y avait des gens qui travaillaient avec lui. Il était comme responsable d'un domaine où il y avait d'autres personnes sur lui pour les diriger. Mais automatiquement, il faisait partie du conseil. Donc, s'il faisait partie du conseil, automatiquement, il dirigeait l'Église, de façon administrative du moins, si ce n'était pas spirituel. Mais souvent, il participait aux décisions spirituelles. Il était chargé avec le pasteur de faire la discipline dans l'Église s'il y en avait à faire. Il fallait qu'il fasse une tâche spirituelle. Et je me suis dit, est-ce que c'était ça? Est-ce qu'il était appelé à faire ça? Est-ce que c'est ça que Dieu dit? On va essayer de voir. Et qu'est-ce que la Bible a dit là-dessus? Et comme je vous l'ai dit, dans notre dictionnaire français, c'est un mot qui revêt un ordre religieux, une espèce de fonction religieuse dans les églises. Et chez les protestants, c'est des gens qui sont subalternes au pasteur et qui travaillent avec le pasteur. Le mot diacre, c'est pas un mot, c'est pas une traduction du grec, c'est pas une traduction, mais est-ce qu'on appelle ça une translittération? Ça vous dit quelque chose? Ça dit que c'est un mot inventé pour nous autres. Donc le mot dans le grec, c'est diakonos, qui c'était traduit diacre, mais en français, il n'aurait pas dû traduire diacre. On appelle ça une translittération, c'est pas une traduction. Et ça nous induit un petit peu en erreur comme tel. Parce que on en a fait un mot, puis c'est comme on dit, nous autres, la Bible va traduire le mot, des fois, ministre. Dans notre tête québécoise, un ministre, c'est quelqu'un d'important. C'est pas quelqu'un en bas de la coche, c'est quelqu'un en haut de l'échelle, qui fait travailler les gars en bas de l'échelle. Dans notre tête, c'est ça. Moi, quand je fais mes rapports d'impôt, je suis un ministre de culte, un ministre de culte. Ça veut dire quoi? C'est un ministre. Dans ma tête, un ministre, c'est quelqu'un d'important. Il n'y a pas grande importance, il n'y a pas grand galon là-dedans. Mais dans notre tête, le mot ministre, on n'aime pas l'utiliser. Pourquoi? Ça a une connotation qu'on n'aime pas. Pourquoi tu ne pas ça? On a vu qu'on n'employait pas le mot évêque. Dans notre tête, c'est hop, un évêque, c'est quelqu'un de catholique, puis c'est en charge d'un diocèse. C'est un prêtre en charge des prêtres d'une région donnée. Donc, on ne l'emploie pas parce que dans notre culture, ça ne marche pas. Le mot de diacre, pour nous autres, là, la plupart des gens, je me promènerais dans la rue ici puis je leur dirais c'est quoi un diacre, la plupart ne sauraient pas. Au Québec, la plupart ne savent pas c'est quoi un diacre. Ils vont dire, je ne sais pas. Nous, ils ne sauront même pas si c'est une connotation religieuse parce qu'ils n'ont pas été élevés avec ça. Si je demande c'est quoi un prêtre, ils vont savoir. Un abbé dans une église catholique, ils vont savoir. Un pasteur, ils savent un peu c'est quoi. Pas beaucoup, mais c'est tout. Ils ne vont pas plus loin que ça. Donc, c'est un mot qui ne nous aide pas dans notre culture à nous autres. Puis nous autres, quand je dis à un jeune chrétien, il y a des diacres dans l'église, on va voter un diacre qui te regarde. Dis-moi en plus, là. Dis-moi quelque chose de plus. Tu sais, le nouveau chrétien, il ne sait absolument pas de quoi on parle. Si on dit on va nommer un ancien, il te regarde aussi, c'est quoi ça? Parce qu'il parle tu. Donc, il faut tout lui apprendre ces choses-là. Et là, quand on lui apprend, mais là, automatiquement, est-ce qu'on va lui dire le vrai sens? Ou alors, on va lui dire qu'est-ce qu'on vit dans notre église? C'est quoi les diacres dans notre église? Dans la langue originale, il est traduit dans notre Bible Louis II, il est traduit ministre, serviteur, il est traduit magistrat, il est traduit diacre, bien entendu, et diaconesse. Mais le mot qui est le plus traduit, c'est le mot serviteur. Il revient à plusieurs reprises serviteur. Il s'est employé aussi pour les domestiques dans les maisons. C'est aussi employé pour des messagers qu'on envoyait. On l'appelait un diacre. On a un exemple dans la Bible. C'était la diaconesse, une femme qui est envoyée par Paul, née une lettre. Elle s'appelait la diaconesse de Chancré, qu'on l'appelait. Oh, ça, je ne l'ai pas marqué. C'est, putain, je l'ai rentré quelque part. Comment? Non, pas Félix, mais ça ressemble un peu à ça. Phoebe, Phoebe, Phoebe, Phoebe, qui était diaconesse de Chancré, une église qui s'appelait dans cette ville-là, et elle amenait une lettre. Elle dit recevez-la. Donc, elle amenait quelque chose. C'était un messager. Donc, c'était un serviteur, tout simplement. Et je vais vous nommer quelques personnes dans la Bible qui sont des diacres, qui sont nommés diacres, puis vous allez être surpris. Paul est un diacre. On ne l'appelle pas comme ça. Hein? Pourtant, serviteur, dans la langue originale, c'est le mot diacre là, c'est diaconesse. Serviteur de Jésus-Christ, serviteur de Dieu, c'est ça. Les anciens dans les églises, les pasteurs, on les appelle des diacres. Les serviteurs de Dieu, c'est le mot dans le grec, c'est diakonos. Les anciens, Et les pasteurs sont appelés diacres aussi parce que c'est des serviteurs. Il dit aux serviteurs dans l'église, les anciens, les diacres, les serviteurs, c'est des anciens et des diacres. Donc, c'est tous ces gens-là. Et il y en a un, Timothée est appelé un diacre. Puis Timothée, on dit, j'ai entendu souvent des prédications, Timothée est un évangéliste. Fais l'œuvre de l'évangéliste, Timothée. On ne dit pas, fais l'œuvre de diacre. On ne dit pas, pourtant, il est appelé diacre. Et si on verrait, c'est le même mot qui est là, diaconos. Et un, peut-être que vous n'avez jamais pensé, Jésus est appelé diacre aussi. Jésus est appelé un diacre. Jésus, dans Romains 15, 3, Jésus s'est fait serviteur pour nous, s'est fait diacre pour nous, diaconos. Même mot, même affaire. Donc, ça veut nous dire, oh, c'est-tu plus important d'être un diacre que d'être un pasteur? C'est-tu plus important d'être un diacre que d'être un apôtre? Serviteur. Et là, quand on traduit serviteur, du coup, on se rend compte que tous les chrétiens sont appelés diacres. Ils sont tous des serviteurs. C'est quoi l'affaire d'abord? C'est quoi l'affaire? Est-ce qu'on a exagéré le sens du mot? Est-ce qu'on l'a amplifié en disant que c'était une tâche super spirituelle, plus spirituelle que les autres? Dans nos églises, les super spirituels, c'est les pasteurs. Les autres, il faut qu'il y ait une grosse cote, il faut qu'ils fassent pas rien de croche dans les pasteurs. Ensuite, on a les diacres qui sont un petit peu plus bas. Ça, tu as les autres qui sont moins bons. Ils ne sont pas, peut-être des fois même pas assez matures ou assez sages pour être des diacres ou être des pasteurs. Pas sûr qu'on fait la bonne chose quand on dit ça. OK? Et on va voir que Paul va donner des règles pour les diacres, mais il ne va pas donner, comme il n'a pas donné pour les anciens, comment les mettre en place. Il ne dit pas. Quand on vote, vous avez peut-être entendu, peut-être si vous n'avez pas connu ça, dans nos églises, on votait les diacres pour un an. Chaque année, il fallait les voter. Les pasteurs, des fois, pas les pasteurs, les anciens. Les pasteurs, non, les pasteurs, c'était à vie. Les anciens, 2 ans, 3 ans. Certaines églises, depuis quelques années, des fois, ils vont les nommer à vie, dans le sens que tu étais un ancien. Tant que si tu étais un ancien là, tu vas être un ancien tant que tu ne feras pas quelque chose pour qu'on t'enlève de là ou tu ne veux plus l'être toi-même. Mais les diacres, c'est tout le temps, peut-être 1 an, 2 ans. On ne veut pas les nommer pour une longue période de temps. Pourquoi? Je ne dis pas que c'est bien ou mal. Pourquoi? Ce n'est pas des absolus. C'est juste notre culture qui fait ça. Mais ils ne nous donnent aucune règle à suivre comment les mettre en place. Mais ils vont nous dire, ils vont donner des termes, pas des termes, mais des principes, des vérités, comment les choisir et qu'est-ce qu'il, avant de les mettre en place. Ou qu'est-ce qui doit arriver, qu'est-ce qui doit être fait avant de les mettre en place. Et coups qui sont mis en place, ah, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Servir. Il ne nous dit pas comment, il ne nous dit pas à quoi, il ne nous dit pas pour combien de temps, mais si c'est des serviteurs, ça serait bien niaiseux de dire qu'il faut qu'ils dirigent un serviteur. Un serviteur. me souviens d'avoir demandé à mon pasteur, quand j'étais jeune pasteur, jeune ancien dans l'église, j'ai dit, je trouve ça dur qu'on me dise que je suis un serviteur et que je suis un dirigeant. J'ai dit, dans ma tête, c'est deux affaires différentes. Mais j'étais un serviteur, qu'on me disait, de l'église, mais en même temps, je devais diriger l'église. Donc, je fais tout ce que l'église me dit, ou je dis à l'église quoi faire. C'est quoi l'affaire? Ou mon service, c'est-tu de leur dire quoi faire? Le capitaine sert le navire en dirigeant, comme le moussorion fait autre chose. Mais tous les deux sont là, c'est deux serviteurs, mais avec des tâches différentes. Donc, c'est pas évident. Donc, on va essayer de voir ensemble quelques idées, quelques principes. Qu'est-ce que Paul dit des diacres? Parce qu'on n'a pas grand-chose sur les diacres acceptés ici, dans un sermon, là, un texte un peu plus concerné, là, tu sais, là, 7-8 versets juste là-dessus. Ailleurs, là, on dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, ou Jésus-Christ, serviteur de... On n'en parle pas, on ne donne pas une longue affaire. Accepté, alors on va voir que peut-être on peut affilier ça avec Acte 6. Hein, que le mot diaconos n'est pas employé. Mais diacre, le service est employé. Diacre, le mot diacre, mais le verbe dans le grec qui est là employé aussi. Donc c'est le même mot, mais sous forme de verbe ou sous forme de nom, dans Acte 6. Mais il ne s'est pas dit nommer des diacres, ce n'est pas marqué comme ça. Mais nommer des hommes qui vont servir, des diaconos. Ceux qui servent, c'est des serviteurs, donc c'est des diaconos. OK? Donc on va le voir un petit peu tard comme ça. Verset 8. Versets 8 jusqu'à 16. Non. On va aller au 13, excusez. 8 à 13. Bon, OK, je vais les lire pour le bien-être de l'enregistrement. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, du gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord, qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc, on voit que quand il nous parle des diacres, souvenons-nous, dans le contexte dans lequel on est dans un contexte que Paul a laissé Timothée à Éphèse, dans le but de dire aux gens des choses, faire des recommandations aux gens, et il doit leur dire qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire, et ce qu'ils doivent faire. On a vu ensemble qu'il y avait des gens qui étaient là, qui étaient des faux docteurs, qui voulaient induire l'Église dans une mauvaise direction. Et Timothée devait reprendre ces gens-là avec douceur, avec compréhension. Il dit, écoute, on ne fait pas ça, Dieu ne dit pas ça. Et il devait ramener l'évangile que Paul avait donné à Timothée et de dire, c'est ça, les absolus, c'est ça qu'il faut faire dans l'Église. Le comment, il ne nous en parle pas. Et je bénis Dieu qu'il ne nous l'ait pas dit. Parce que ça serait bien dur d'appliquer, de faire des choses pendant 2000 ans, la même chose quand nos cultures changent si vite et tellement d'une génération à l'autre et d'une culture à l'autre et d'un pays à l'autre. Donc, vous allez voir que ça ressemble en grande partie à des anciens. Il n'y a pas une grosse différence morale et spirituelle entre des diacres et des anciens. Donc, la coche, là, si on veut mettre une marche, là, je vous garantis qu'elle n'est pas haute, la marche, entre un pasteur et un serviteur ou un diacre. Donc, si vous me permettez, on va employer le mot serviteur. C'est plus français, et c'est plus facile à comprendre pour nous autres. Et quand je dis serviteur, serviteur demandé. Il n'y a pas grand monde qui rentre aux portes dans ce temps-là. Et si je dis diacre dans l'Église, il y a plus de monde qui cherche à avoir le rôle ou le titre de diacre que le titre de serviteur. Bizarre, hein? C'est pour ça que notre langage nous dit ça. Si on dit à la porte du restaurant serviteur demandé ou si on marque gérant demandé, c'est deux choses bien différentes. Hein? Puis serviteur n'est pas gros qui veut faire ça. Mais gérant, il y a gros qui aimerait ça. Donc, au verset 8 et jusqu'au verset 11, il dit qu'ils doivent avoir des qualités morales, un peu comme les anciens, on avait vu tout à l'heure. Okay? Et vous avez vu que un des petits mots qui est important au début, c'est qu'il dit les diacres aussi, c'est qui les autres? Si c'est les diacres? Les anciens. Les anciens. Donc, les anciens ou les évêques Mais les diacres aussi doivent être comme ça. Ce n'est pas des différents, c'est la même chose. Donc, les diacres aussi doivent avoir des critères moraux ou moraux. Et ils ne sont pas moins, sont pas plus hauts, ne sont pas moins hauts. Et nous allons voir en s'en allant que, peut-être qu'on peut en parler tout de suite. On va avoir une décision à prendre si les femmes sont diacres ou pas diacres ici. Ce n'est pas tous les pasteurs, ce n'est pas tous les enseignants qui sont d'accord avec ça. Peut-être vos traductions l'ont traduit un petit peu différemment. Parce que la question est-ce que les femmes peuvent être diacres ou non? Le texte, tout à l'heure, il parlait des anciens. On a vu que la femme ne pouvait pas enseigner, les anciens devaient être aptes à l'enseignement. Donc, ça éliminait la femme d'être un ancien. Si elle doit être apte à l'enseignement, on lui dit tu n'as pas fait d'enseignement dans l'Église, mais tu dois écouter en silence, automatiquement, ça l'élimine la femme pour être un ancien. Dans ma tête, en tout cas, à moi. Mais dans les diaconesses, on ne parle pas, dans les diacres, aussi les diaconesses, on ne parle pas, mais on ne dit pas les femmes diacres. Il y a deux façons, puis vous avez des bibles traduites des fois différentes. Les femmes des diacres doivent être aussi. Puis il y en a des masses marquées. Les femmes doivent être. Donc là, il y en a dit, c'est-tu les femmes des diacres qui doivent être de même ou c'est-tu des femmes diacres qui doivent être de même? C'est pas clair comme on voudrait dans le texte. Par contre, il y avait une madame que tu nommais qui était diaconesse. Tout à l'heure, je cherchais mon verset, là, je viens de le voir, c'est là que je l'avais mis. Je pensais que je l'avais mis un peu plus haut. Romains 16:1, c'est là qu'ils veulent qu'ils prennent des choses. Je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Sancré. Donc, elle est nommée diaconesse. Mais ils disent que c'est une femme qui est envoyée dans une autre église, c'était pas quelqu'un dans l'église. Savez-vous pourquoi on se bat avec la question des femmes comme diacres? Parce que dans nos églises, les diacres sont des dirigeants dans l'église. Ils sont sur le conseil de l'Église et ils dirigent l'Église. Donc là, on ne va pas les mettre là parce qu'on dit que les femmes ne dirigent pas l'Église. C'est peut-être qu'on a aussi le problème avec le fait de mettre des femmes diacres. C'est parce que notre façon de percevoir les diacres est peut-être faux. Si automatiquement le diacre ou la diaconesse est sous le conseil de l'Église et le conseil de l'Église dirige l'Église de façon morale et spirituelle, parce que nos églises, c'est souvent ça qui arrive, ben là, la femme ne peut pas être là. Elle ne peut pas être là. Donc, on essaie de l'enlever. Mais si... Si on revient et on dit, c'est autre chose, c'est juste des serviteurs, ah ben là, une autre histoire. Si ce n'est pas obligatoire que la diaconesse ou le diacre soit sur le conseil, est-ce que je pourrais être un diacre et pas être sur le conseil? Sinon, là, peut-être que ça m'enlève ça enlève une épine dans la chair de bien des personnes. Ben, je suis diacre ou diaconesse, mais je ne suis pas sur le conseil. Je ne veux pas être sur le conseil, mais je voudrais servir dans l'Église. Donc, est-ce que si c'est comme ça, ça nous enlève cette peur-là qu'il y a des femmes qui dirigent l'Église, spirituellement parlant. OK? Donc, il faut faire attention. Donc, je crois que ici, pour moi, personnellement, ma compréhension, c'est femme diacre autant qu'homme diacre. OK? C'est pas les femmes des diacres, mais c'est des femmes aussi doivent être... Tous les côtés moraux qu'on va donner tout à l'heure, ça va s'accrocher... aussi aux femmes, mais la question que les gens vont ramener, c'est mari d'une seule femme, aux autres aussi, puis elle va bien. Donc là, ils disent, mais la femme ne peut pas être mari d'une seule femme. Donc pourquoi ils disent ça? Donc là, ils disent non, c'est pas comme ça. Ça ne me surprendrait pas que souvent, dans ces temps-là, la majorité, c'était des hommes diacres, à cause de la culture. On voit une fois là, cette phobée-là qui est diaconesse, mais c'est la seule fois, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Mais là, tu parlais de servir aux femmes. C'est dans Acte 6 qu'on va voir tout à l'heure. Servir aux dames, ben, il y a nommé. Mais là, il y a nommé juste des hommes. Il y a nommé juste des hommes. Il y a nommé juste des. Voyez-vous? Mais servir aux tables, c'était pas servir des repas. C'était pas vraiment ça. Faut pas voir ça de même. Là. Je pense pas que les apôtres avant étaient ceux qui servaient aux tables non plus. Parce que les apôtres disaient on n'a plus le temps de faire ça. Nommez-vous sept hommes qui vont faire ça. Puis nous, on va s'occuper de la prière et de l'enseignement. En fait, c'était pour compter les. C'est surtout les argents. Okay? Les gens amenaient des argents pour les pauvres, puis ils s'occupaient de distribuer ça. Okay? Mais il y aurait pu aussi servir aux tables, ça n'aurait pas été dégradant, mais je ne pense pas que c'est ça qui parle dans le sens de servir aux tables. Ce n'était pas des waitresses, là, des waiters, comme on dit au Québec. Mais on va voir ensemble que, maintenant on va voir les critères moraux ou les qualités morales qu'ils doivent avoir. Honnête, on avait vu ça aussi pour les anciens. Honnête, on sait que ça veut dire quoi? Quelqu'un est honnête, c'est quelqu'un qui ne ment pas, qui ne triche pas, qui ne vole pas. Il est honnête dans ses transactions financières, dans ses, dans ses rapports avec les gouvernements. Aujourd'hui, nous autres, on dirait que nos gouvernements, il est honnête dans ce qu'il fait, en règle générale. Il ne travaille pas sous la table. Pour... En tout cas, je ne dirais pas ça de même parce qu'il y a tout un débat là-dessus aussi dans les églises. Pas honnête, je suis respectable. Respectable, OK. Oui, toi aussi, tu es respectable. Donc, les autres, vous allez peut-être honnête. Oui. OK. Donc, éloigné de la duplicité. Donc, ce n'est pas un homme qui a une double face. OK. C'est pas un homme ou une femme ou un serviteur qui a une double face. C'est quelqu'un qui est honnête, qui est franc, qui vit sa vie chrétienne toute la semaine, pas juste le dimanche. C'est un homme ou une femme qui travaille bien dans ce sens-là. Ils sont éloignés du vin, donc c'est pas des ivrognes, c'est pas des alcooliques. Je crois pas que le terme plus pour les anciens veut dire une abstinence complète, mais c'est pas quelqu'un qui prend un coup, comme on dit en québécois. Il est éloigné d'un gain sordide. Donc, on sait qu'il ne le fait pas pour l'argent. Parce que je pourrais vous conter des histoires dans les églises, qu'il y a des gens qui sont là aussi pour l'argent, qui sont partis avec l'argent, qui ont détourné les fonds des églises. Donc, il était là. Et je suis certain qu'il n'avait pas l'intention, quand on commençait, il est arrivé des situations. Un que j'ai connu, c'est des situations difficiles, de santé, de famille, de drogue, finalement. Tout vidé les comptes d'église quand on s'en aperçoit. Donc, c'est. Pourtant, ces gens-là, quand ils ont commencé, ils étaient probablement bien intentionnés. Et il ne faut pas dire ça ne m'arrivera jamais. Non, c'est, on n'a pas l'intention de le faire. Mais il y a des situations, des fois, que la tentation vient. Et là, on commence avec un 25 cents, puis là, on finit avec un 25 piastres, puis ça finit par augmenter. Hein? Donc, c'est toujours de même que ce n'est pas un homme qui est là pour un gain sordide. Et le mot, je pense que ce n'est pas toujours juste gain financier, mais pour une réputation, il le fait pour être vu, pour être, je suis moi, un serviteur dans l'Église, dans ce sens-là. Il est non-médisant, ou non-médisante, il parle surtout des femmes. Vous marquez ça? Il l'adresse ici, puis il l'adresse aux femmes. Et les femmes, de même, doivent être honnêtes, pareil comme les hommes, pareil comme les anciens, non-médisants, sobres, fidèles en toutes choses. Donc, fidèle ici, c'est pas Paul qui parle fidèle au mari autant comme fidèle dans ce qu'ils font. Ce sont des gens de confiance, des gens qui sont, quand ils s'engagent à faire de quoi, ils le font dans ce sens-là. Donc, c'est des choses de même. Ils sont sobres et ensuite, ça, ils sont fidèles, encore une fois. Ce que j'ai là, ça revient un peu plus bas. Fidèles à l'enseignement. Parce que ces gens-là, on va voir un peu plus loin qu'il va toujours revenir avec la question de la foi. Mais c'est des gens qui ont une qualité de vie qui est acceptable, qui fonctionne bien. Alors, des fois, on va dire un bon témoignage. Des gens qui fonctionnent bien dans l'Église. Ce ne sont pas des gens parfaits, loin de là. Mais c'est des gens qu'on respecte. C'est des gens qu'on ne fuit pas. C'est pas des gens qu'on... On ne leur donne pas la main pour compter nos doigts après, pour savoir s'ils n'ont pas pris un. Ce ne pas des gens qu'on a peur, en tout cas, quand on les met en place, qu'on a peur qu'ils vont partir avec l'argent. On a peur qu'ils vont, peut-être qu'ils vont lâcher. Ah, lui, il n'est pas fidèle vraiment, mais on n'a pas personne d'autre. Tu sais, là. Il ne faut jamais mettre quelqu'un serviteur ou un diacre ou un ancien dans une église parce qu'on n'a pas personne d'autre. C'est jamais une bonne affaire. On le met parce qu'on croit qu'il peut faire le travail. Donc, tu sais, encore une fois, comme on voit, c'est des absolus. Ça, c'est des côtés moraux, mais je vous l'ai dit une fois, tous ces critères-là, je peux les trouver, ils s'adressent à tous les chrétiens. Tous les chrétiens sont appelés à être honnêtes, tous les chrétiens sont appelés à ne pas avoir de duplicité, tous les chrétiens sont appelés à s'éloigner du vin, tous les chrétiens sont appelés à ne pas vouloir faire un gain sordide dans n'importe quoi. On vous avez tout entendu qu'on ne doit pas faire de médisance. Hein? C'est pas juste quelqu'un qui fait ça. Les diacres font ça, les autres ne le font pas. Non, je pourrais prêcher ça dimanche matin pour le diacre, pour le pasteur, pour tout le monde. C'est pas quelque chose de spécial. Mais on les voit sur cette personne-là qu'on veut nommer serviteur dans l'Église. Et on les voit, ces gens-là. C'est pour ça qu'il nous dit qu'ils doivent, verset 9, qu'ils doivent conserver le ministère de la foi. Donc, c'est des gens qui ont la croyance de l'Évangile. Enseigné par Paul, enseigné par les apôtres, enseigné par les Écritures, c'est quelqu'un qu'on voit que la croyance biblique. Elle ne mettait pas en place des serviteurs dans l'Église qui n'ont pas la même foi que l'Église. Ça va faire un cul de poêlon, l'affaire. Hein, ça va faire des grabuges. Et il faut faire attention, il ne faut pas devenir trop dogmatique, puis dire si tu passes dans une église que j'ai vue au Québec, plusieurs églises, pas une, que plusieurs églises, si tu n'étais pas comme les dirigeants, tu ne pouvais pas être un serviteur dans l'église. Il fallait que tu vois les choses comme eux. Puis il n'y avait pas de passe-droit, là. Les autres, c'était surtout leur accroche, c'était surtout par rapport au retour du Seigneur. Si tu ne vois pas le retour du Seigneur comme nous autres, tu ne peux pas être un serviteur ici dans l'église. Et là, je crois qu'ils croyaient tout au retour du Seigneur, mais pas tout à fait de la même manière. Puis là, il était devenu peut-être trop à cheval, faire des cheveux en quatre, comme on dit des fois. Peut-être trop, là, peut-être trop loin. Il faut laisser la place à la liberté, puis dire, tu croyais aux vérités bibliques, mais peut-être t'es même pas dans la même ordre que nous. C'est pas grave, tu y crois, puis on peut travailler ensemble. Parce qu'ici, à l'Église, on a toutes les croyances, là. Parce qu'on a tous des arrière-plans différents. Je parlais avec Bob puis Michel cette semaine. Les autres, les pentecôtistes. Les pentecôtistes sont pas mal stricts là-dessus. Si tu ne crois pas comme eux autres, tu ne peux pas être dans l'église comme membre. Il faut que tu sois. Tout le monde croit comme. Les pentecôtistes, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais ils sont tous pré-mille. Ils sont tous pré-mille. Donc, nous, on a des pré-mille, on a des hors-mille, on a des pré-tribes. En tout cas, c'est tous des mots qu'on a parlé un petit peu quand on a fait l'étude de l'Apocalypse. Mais c'est différentes façons de. La chronologie des événements de l'Apocalypse. Donc, il y en a qui les placent d'une telle façon, d'autres les placent. Comme tout à l'heure, je dis, est-ce que tu as cru à l'enlèvement? Penses-tu qu'on aurait été parti, tu n'aurais pas été là? Je t'assure, il y a là, moi, mais peut-être. ça, c'est là que je vous ai parlé comme un pré-mille, pré-trib. Je n'ai pas dit que je suis comme ça, mais c'était une grosse. Ceux qui sont pré-mille, pré-trib croient à ça. Que le Seigneur pourra venir asseoir, là, puis il y en a qui vont rester là, puis nous, on est parti. Ah, on ne l'avait pas vu venir, celle-là, mais on est tous partis. Les hommes, ils ne voient pas ça tout à fait de même. Il y a des post-tribes, dans le sens qu'il y a des choses qui doivent arriver avant ça. Donc, non, on ne peut pas avoir été enlevé parce qu'il y a des choses qui doivent arriver et qui ne sont pas arrivées. Donc, ça dépend de comment est-ce qu'on voit les choses. Mais tout le monde croit à peu près les mêmes choses, mais on ne les met pas dans la même ordre. Mais il faut faire attention. Le gars, peux-tu être serviteur dans l'Église parce qu'il ne voit pas les choses de la même ordre que moi? Et peux-tu être serviteur s'il si prend du jus du vin au lieu de prendre du jus de raisin? Ben oui. On n'aura pas le Seigneur, mettons. S'il ne veut pas faire, s'il ne se coupe pas les cheveux jamais, c'est des bagatelles. C'est des choses qui ne sont pas des absolus. Mais s'il n'est pas honnête, on n'est pas là. Okay? Si on l'est mis, puis là, on se rend compte après qu'il n'est pas honnête, on l'enlève. Parce qu'il n'est pas nommé, puis là, on n'est plus droit du tout après. C'est comme n'importe quel autre chrétien, s'il fait des péchés et qu'il ne veut pas les reconnaître, on l'enlève de là. Même les on peut, anciens aussi. Les anciens, on va le voir un peu plus loin, la même chose. C'est le rôle de toute l'Église de faire ça. C'est de la discipline. La discipline est faite par tout le monde. Le bon fonctionnement. Si un frère a péché contre toi, va, toi, lui seul, il reprend-le. C'est ça, dis-le à l'Église. On va le voir à travers, il va en parler un petit peu. Ils doivent conserver le ministère de la foi. Donc, il faut, avant de nommer quelqu'un serviteur dans l'Église, il faut éprouver sa foi. On l'avait vu avec les anciens aussi, c'est la même affaire. On doit éprouver est-ce qu'il croit à l'Évangile qui est enseigné par les apôtres. Nous, c'est l'Évangile selon les Écritures. Est-ce qu'il croit à ça? Si sa foi n'est pas en accord avec les évangiles, on ne le nomme pas serviteur, peu importe. Okay? Peu importe. Ils doivent être éprouvés d'abord. Éprouvés d'abord. Ça veut dire qu'on doit le laisser. Ça revient à la même chose que les anciens. Comment est-ce qu'ils ont dit ça pour les anciens? Il ne doit pas être un nouveau converti. Il n'a pas été nouveau. Il s'est converti hier, on le nomme pasteur demain. C'est, non, un petit peu plus, un petit peu, un petit peu. Puis dans le serviteur, c'est la même chose, là, ou la servante, ou le diaconiste, ou le diacre. Il dit, on doit l'éprouver d'abord. Il nous suggère de faire ici, laissez-le aller pour voir qu'est-ce qu'il peut faire dans l'Église, comment il peut agir, quelle sorte de vie il va faire. Parce que quand tu vas le nommer serviteur, il y a une espèce de, on va le voir tout à l'heure, quand l'Église reconnaissait quelqu'un, puis dire, on va te nommer serviteur dans l'Église, tu vas avoir une tâche à faire dans l'Église. Il acquérait quoi? Un rang honorable et une grande assurance à la foi. Il voulait que tu le saches, avant de lui donner ce rang honorable-là dans l'Église, tu dois l'éprouver, voir avant. Est-ce qu'il est honnête? Laisse-les vivre une petite course dans l'Église, laisse-les fonctionner dans l'Église. Ça veut pas dire qu'il ne fait rien dans l'Église, mais toi, tu ne l'as pas nommé. Dans l'Église, en tant qu'Église, on ne l'a pas nommé serviteur d'Église. On ne l'a pas pris comme dire, voilà, Phoebe, va à telle place, puis amène ça là-bas, puis fais ça au nom de l'Église. On ne fera pas ça. Okay? On ne va pas envoyer quelqu'un dire, mais maintenant, tu vas faire la comptabilité de l'Église, tu vas être en charge d'aller dans la pluie, tous les papiers pour l'Église, du gouvernement, c'est toi qui es en charge, on va faire confiance là-dessus. Okay? Tu pars avec l'argent le dimanche matin, tu t'en vas à la banque. On a cette paix que tu ne vides pas le sac à t'en aller. Okay? Donc, c'est dans ce sens-là. On a cette confiance. Ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas. Mais quand on le fait, quand on le vote, on pense qu'il ne fera pas. On pense qu'il est honnête. On l'a éprouvé pendant un certain temps. On l'a vu vivre. Il dit, éprouvez-le d'abord. Je crois que c'est une épreuve spirituelle, et non pas juste de la compétence, mais surtout morale. Je crois qu'on doit l'éprouver avant, s'il y a les critères moraux, cette personne-là. Sans ça, on doit hésiter avant. Puis on doit éprouver aussi sa foi. Est-ce qu'il croit? Ça nous prend un petit peu de temps avant d'arriver là. Un peu comme je parlais avec Bob et Michel. Bon, on essaie le temps, voir José s'asseoir avec. Finalement, eux-mêmes m'ont dit, on va attendre un peu parce qu'on s'aperçoit que notre foi n'est pas comme la vôtre. Donc, on t'entend prêcher chaque dimanche, puis on n'est pas été assis comme ça, donc on aimerait mieux attendre avant de faire de quoi. Parce qu'on n'est pas sûr ils disent pas qu'on n'est pas sûr qu'on va avoir la même foi que vous autres. Mais ils disent, on est tellement perturbé par toutes sortes d'affaires que tu dis que c'est pas ça qu'on avait entendu. Donc, on a autant prendre le temps, 6 mois, 1 an, 2 ans, pour voir si, là, je dis 6 mois, 1 an, 2 ans. En fait, c'est pas ça comme une règle biblique, c'est juste, j'ai dit ça comme ça, pour l'éprouver, pour le voir aller. Puis plus il va être présent dans l'Église, plus le test va se faire vite. Si tu le vois une fois par 6 mois, le gars, ben, ça va prendre du temps à savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie, là. Okay? Mais si tu le vois 2, 3 fois par semaine, puis que tranquillement, il s'implique dans l'Église, fait des choses dans l'Église, sans être nommé, mais il s'implique, il y a des gens qui ont déjà le poste de serviteur dans l'Église, si je peux appeler ça poste. On va le prendre, on va pouvoir le tester un peu plus. Puis dans nos discussions avec lui, on va voir, oups, je pense qu'il ne croit pas comme nous autres dans ce domaine-là. Il parle, mais il dit qu'il n'y a pas d'enfer. Mettons, ah, on va peut-être s'assurer avec avant de le nommer serviteur. Hein, pour voir qu'est-ce qu'il dit là-dessus. Et deuxièmement, c'est comme les anciens, ce ne sont pas des nouveaux, ils doivent être éprouvés d'abord, ensuite on leur confie un ministère. Tous les croyants et tous les gens sont des diacres et des serviteurs de Dieu. Tout le monde en l'est. Mais maintenant, c'est que est-ce que l'Église le voit puis le nomme, lui donne un ministère de façon officielle, si je peux dire ça en guillemets, là. Elle lui confie une charge à cette personne-là. Ça ne veut pas dire qu'il va être sur le conseil de l'Église, selon ma compréhension. Peut-être qu'il peut être là. Puis je ne verrais pas pourquoi il ne pourrait pas être là, mais ce n'est pas obligatoire qu'il soit là. Mais il va être sur le conseil de l'Église pour amener son expertise dans le domaine que lui s'occupe. Si on le nomme, comme là, on va nommer bientôt Christiane comme responsable de la comptabilité, on va le nommer serviteur ou servante ou diacre. Parce que pas sûr que les gens vont dire diacre, mais dans ma tête, elle va devenir un serviteur, une servante de Dieu officiellement dans l'Église. Que ce soit sur le conseil de l'Église, ça ne serait pas surprenant. On va dire, bien, viens nous donner les chiffres, ce qu'on est rendu. Donne-nous comment ça va. Donne-nous un rapport financier. Dis-nous, on a-tu encore de l'argent ou ça, on n'en a plus. Tout dans ce sens-là. Donc, mais ce n'est pas obligatoire qu'elle soit là. Donc, il ne faut pas en faire une directrice d'Église ou elle va diriger l'Église maintenant parce qu'elle est diacre. Il ne faut pas dire ça parce que là, ça va nous empêcher de penser comme il faut. Parce qu'il y a des personnes qu'on les a éprouvées, on les a testées, on pourrait dire, qui sont capables de faire le travail qu'on leur confie. Mais ils ne sont peut-être pas capables de diriger l'Église dans un conseil d'Église. Peut-être pas capables, pas en tout. Peut-être qu'ils ne devraient jamais être là sur le conseil d'Église. Mais peut-être qu'ils sont très bons pour faire être, comme on a nommé probablement Daniel, responsable du bâtiment. Ça ne veut pas dire qu'ils devraient maintenant être sur le conseil d'Église et diriger l'Église dans l'ensemble de son administration. Peut-être jamais ils vont le faire. Peut-être oui, ils vont le faire. Mais on a nommé, on lui a confié, on a fait de lui un serviteur de l'Église. Il appelle les gens. Il signe des papiers, il fait des choses pour l'Église, il y a les clés dans les mains, il y a le stock de l'Église. Donc, on lui fait confiance, on dit, occupe-toi de ça. T'appelles, on croit à son bon jugement, on croit à ce qu'il y a une foi qui est semblable à la nôtre. Donc, ça fait déjà quoi, 2, 3 ans qu'il est avec nous. On a vu sa fidélité continuelle. Donc, je crois qu'on a fait un bon choix en le nommant, mais il y en a qui disent, bon, il n'a pas été nommé diacre. Mais si le mot diacre veut dire serviteur, c'est l'Église là, qui l'a fait une fonction. Il le faisait avant déjà. Il faisait déjà plus qu'un an que j'avais demandé de le faire, mais il le faisait déjà. Donc, on l'a éprouvé. Ouais, est-ce qu'il est capable de le faire? Est-ce qu'il va être fidèle à le faire? est-ce qu'il va être heureux de le faire? Parce qu'il y en a qui vont le faire parce que tu t'as déjà demandé, mais ils le font en grenier. Fait que là, tu ne peux mieux pas le mettre là. Grenier, ça, c'est pas bon. Donc, et aussi, on a une autre chose qu'on voit au verset 12, c'est qu'ils doivent être des modèles au foyer. Donc, la même chose que les anciens. Ils sont mariés d'une seule femme et ils dirigent bien leur foyer. Donc, ils sont des modèles dans leur foyer. Ils fonctionnent bien dans leur foyer. Attention, ça veut pas dire qu'ils vont fonctionner comme vous dans leur foyer. C'est bien différent. On a tendance à évaluer l'autre avec nos critères d'évaluation. « Oh non, c'est pas un bon mari, il ne dirige pas bien ses enfants, parce qu'il ne fait pas comme moi, je le ferais. » Attention, faire attention. Et mais est-ce qu'il dirige bien? Il y a un passage dans Colossiens que je dirais, « Parents, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les dans le Seigneur. » Est-ce qu'il dirige son foyer avec des principes bibliques? Pas avec des méthodes que vous acceptez ou pas. Mais est-ce qu'il dirige son foyer avec des principes bibliques? Si oui, il dirige bien son foyer. La méthode qu'il a, ce n'est pas votre affaire. S'il habille ses affaires d'une manière, ce n'est pas ses affaires. S'il voit ses affaires à l'école, ce n'est pas de vos affaires. S'il n'envoie pas à l'école, ce n'est pas de votre affaire. Ce n'est pas dans la Bible, ça, ce n'est pas, ça n'a pas rapport avec ça. Mais on voit en lui des critères moraux. Il dirige bien sa famille, avec des principes bibliques, en tout cas, autant qu'on sache. Donc, pourquoi il ne pourra pas l'être? C'est dans ce sens-là qu'il dit, regardez, comme les anciens voulus. Je vous dis qu'il n'y a pas une grosse coche entre les deux. C'est les mêmes critères moraux et spirituels. C'est quoi qu'on n'a pas vu qu'on avait sur les anciens? C'est quoi la différence? Même enseignement. Voilà. Les anciens, ou les évêques, ou les pasteurs, c'est apte à l'enseignement. Diacre, non, pas demandé. Pas demandé, pas être sûr. Ça veut dire qu'il ne l'a pas. Mais ça n'est pas demandé. On peut nommer notre sœur Phoebe, peut-être qu'elle était borienne dans l'enseignement. Peut-être qu'elle n'aimait pas ça, qu'elle n'aurait jamais voulu en faire. Mais elle était serviteur, servante dans l'Église. Donc, ce n'est pas obligé d'être à cause que tu es diacre, qu'il faut que tu prêches. Je me souviendrai que j'avais lu l'histoire de Spurgeon, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Spurgeon, c'est un des grands prédicateur du 17e, 18e siècle. Et il s'est converti, lui, il y a eu une grosse tempête, puis le dimanche matin, le pasteur n'est pas pu venir. Puis il va, il dit, oh, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Et lui, il est à diacre, qu'est-ce que je vais faire? Il rentre dans le bureau du pasteur, parce qu'il fait, qu'est-ce que je vais faire? Puis il voit les notes du sermon, il est là. Le sermon du pasteur est là. Fait qu'il prend les notes du sermon, puis il dit, moi, je vais faire le sermon. Fait qu'il lit le sermon du pasteur. Il va juste lire. Puis Spurgeon s'est converti. Puis il est devenu le prédicateur. Il avait 16 ans, 20 ans, il était prédicateur dans une grise liste de milliers de personnes, à 20 ans. Mais je comprends pas, il était diacre et il n'était pas converti. Non, mais non, c'est Spurgeon n'était pas converti. Lui, il était, lui okay. Spurgeon s'en allait à l'église, puis lui, à cause de la tempête, il rentrait dans cette église-là, parce qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Le tramway n'allait pas plus loin que ça. Fait qu'il rentrait là, mais lui, dans cette église-là, le pasteur n'était pas là, à cause de la tempête. Le diacre était là. Lui, il lit le pasteur. Il lit les notes du pasteur, le sermon du pasteur, puis bon, Spurgeon s'est converti. Mais il se sentait obligé de faire de quoi? Parce qu'il était diacre. Tu sais ce que je veux dire? Oui. Mais t'es pas obligé de faire ça. Hein? Il aurait pu juste dire, il n'y a rien ce matin, on va juste prier ensemble, on peut chanter, s'il y a de la musique, on peut chanter à cappella, c'est pas de musique. Il n'était pas obligé, mais il se sentait obligé de faire de quoi? Puis Dieu l'a utilisé, voulez-vous? En tout cas, il devait avoir un super de bon sermon, parce que c'était juste aller les notes, ça a converti quelqu'un. Donc, on voit bien que c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, ces diacres-là, ces diaconesses-là, ou ces serviteurs-là, servantes-là dans l'Église, donc, c'est des gens qui ont des critères moraux ou spirituels, comme les anciens, comme tous les croyants dans l'Église, on les voit dans leur vie. Et ce sont des gens qui sont éprouvés, ce ne sont pas des jeunes chrétiens. On leur laisse le temps de fonctionner pour voir comment est-ce qu'ils vont vivre dans l'Église, comment ils vont. Le temps de tester, si on peut dire, est-ce qu'ils ont la foi selon l'Évangile? Est-ce qu'ils dirigent bien son foyer? Est-ce que cette femme-là, parce que si les femmes sont diacres, elles autres aussi, est-ce qu'ils dirigent bien leur foyer, ces femmes-là? Est-ce qu'ils sont des femmes modèles, entre guillemets, dans leur maison? Donc, si oui, ben, on peut les mettre serviteurs dans l'Église, servantes dans l'Église. Et qu'est-ce que ça leur donne? Ben, ils ne sont pas payés plus que les anciens. En tout cas, ils ne parlent pas de paye pour les anciens. Ils ne pensent pas qu'ils en parlent ici, dans ce cas, dans le contexte de Timothée. Ils n'en parlent pas plus pour les diacres. Mais ça leur donne un rang honorable et une grande confiance dans la foi. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi Pourquoi, selon vous, ça fait ça? Je suis un serviteur. L'Église vient de me nommer serviteur ou servante dans l'Église. Ça me donne un rang honorable. Ça me donne une confiance dans la foi. Qui est reconnu par l'Église. Il y a une approbation. Quand on se fait approuver par quelqu'un, ça nous donne une certaine honneur. Ça nous fait honneur que les gens voient en nous quelqu'un qui sert Dieu, qui veut servir Dieu, quelqu'un que sa moralité est bonne, selon les Écritures. Et cette personne-là, on voit qu'il y a une vie réglée, et il y a une foi légitime. On voit qu'il est un croyant, puis une foi en accord avec les Écritures. Donc, puis ça lui donne l'assurance parce qu'il n'y a pas juste lui qui se croit chrétien, il y a un paquet de monde qui le voit chrétien. Ils l'ont évalué, qu'ils l'ont testé. Donc ça donne un rang honorable dans l'Église. Je suis un serviteur de Dieu dans l'Église baptiste de Mont-Tremblant. Donc c'est un rang honorable de se faire nommer par l'Église à un titre ou à un ministère, parce que le ministère c'est mon service, ministère dans l'Église. Et donc c'est vraiment bien. Dans ce sens-là. Si vous avez vos Bibles, tournez avec moi dans Acte 6. On va aller voir tout à l'heure ce qu'on a parlé. Et c'est peut-être un exemple là, de ce que c'est qui a été fait. Et qu'on voit des diacres être nommés. Il y a beaucoup qui disent que c'est des diacres qui ont été nommés là. Moi, je dis peut-être des diacres. Mais une chose certaine, c'est des serviteurs qui sont nommés là. Des gens qui vont servir l'Église. Donc, moi, je conclus que c'est des diacres hein, qui sont nommés là. Remarquez bien comment est-ce qu'il va le décrire. Et ça ressemble étrangement à ce qu'on vient de voir. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Les hellénistes, c'est quoi? As-tu ton note? C'était des Juifs qui étaient en dehors du peuple d'Israël, en dehors du peuple du pays d'Israël. C'était des Juifs hellénistes. Donc, ce n'était pas des non-juifs, c'était des juifs, mais qui vivaient à Rome, qui vivaient un peu partout à travers le monde, et qui étaient là, vous vous souvenez, on est juste après la Pentecôte, et puis on restait à Jérusalem pour un certain temps, ces gens-là qui venaient de se convertir dans Acte 2. Et là, c'était des. Fait que là, il y en a qui ont dit, ah, il y a une injustice qui se passe entre les juifs juifs et les juifs non-juifs. Donc, si on pourrait dire des gens qui sont partis. Puis probablement que les juifs bien orthodoxes, là, les bons juifs orthodoxes pharisiens jusque dans les ongles des orteils, vous avez dit, vous avez fui le pays. Puis, ça m'a fait penser, quand je disais ça tout à l'heure, aujourd'hui chez nous, aux juifs que j'étais allé en Israël, qui essayaient de convaincre les juifs qui partaient en avion, parce que moi j'étais en avion à l'aéroport, et on était prêt à partir pour s'en venir ici au Canada. Et il y avait des Juifs qui étaient dans l'aéroport qui essayaient de convaincre les Juifs qui vivaient à New York, à Montréal, de s'en venir vivre en Israël. Qu'à cause qu'ils vivaient parmi les gentils, ils n'étaient pas des bons Juifs. Donc, il y avait une coche là. Les vrais Juifs vivaient en Israël, puis servaient Dieu. Et vous autres, vous êtes là, vous êtes à New York, vous faites de l'argent. Ils essayaient de les encourager à marquer les phylactères, puis à pratiquer la foi juive. Donc, c'est pas ça, je pense, ici, un petit peu. Ça ne se parle pas parce qu'il devait être des bons humains comme nous, pécheurs, des chrétiens qui ont des problèmes dans les églises comme nous autres. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Donc, les Hébreux, c'était les Juifs qui étaient là. Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc, quelle distribution qu'on faisait, on ne le sait pas à 100%. Est-ce que c'était une distribution d'argent? Est-ce que c'était une distribution de nourriture, de vêtements? Aux tables, on a un peu l'exemple avec les deux qui sont tombés morts dans Acte 5. Les deux personnes qui sont tombées morts, l'homme et la femme, ils avaient vendu un terrain, si je ne me trompe pas, puis ils avaient emmené l'argent, ils n'avaient pas tout emmené l'argent, Ananias et Saphira. Ils n'ont pas tout emmené l'argent, puis quand ils l'ont donné à Pierre dit, vous avez menti, vous avez triché, paf, mort. Ça va rough dans le temps. Mort. Donc, c'était ça qu'ils faisaient, là. On emmenait tous ces argents-là, puis on redistribuait. C'était bien plus facile de donner 2 piastres que de commencer à aller acheter de l'épicerie pour 10 000. Parce qu'à ce moment-là, dans Acte 6, on pense que l'Église était environ 10 000 personnes à Jérusalem. Ça s'était converti 3 000 en Pentecôte, puis à chapitre 5, 2 000. C'était 5 000, sans compter les femmes. Si on compte une femme par un homme, puis même pas les enfants, ça faisait 10 000. Donc, et on pense que c'était à peu près, sont 6, peut-être 5, 6 ans passé, là, peut-être un petit peu de temps passé après la Pentecôte, qu'on pense, on n'est pas sûr à 100%. Mais il y avait un problème, là, de distribution de ce qu'on emmenait aux veuves. Okay? On s'occupait des veuves et des orphelins. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables, s'occuper de ce qui se passe à ces tables-là. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. C'est vous, pour ça, vous dites, hein? C'est ça qu'on a de la misère avec les femmes, parce que c'était une culture où ce que la femme était très enfermée dans leur maison en grande partie. Il n'y avait pas beaucoup d'ouverture pour devenir. Les femmes ne travaillaient pas en dehors du foyer. Il y avait peut-être du bénévolat qui se faisait dans les parentés, dans la famille, mais il n'y avait rien qui se faisait, là. Les femmes n'avaient pas de propriété, ce que j'ai pu lire, en tout cas en Israël. C'était appartenait aux hommes. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. Regardez ce qu'il dit. De qui on rend un bon témoignage. Ils sont pleins d'Esprit Saint, ils sont pleins de sagesse, et nous allons les charger de cet emploi. Servir aux tables, c'est le mot diakonos qui était là. Servir, pas diakonos, mais c'est le verbe de diacre. Okay? Donc, c'est pour être serviteur aux tables, c'est ça que ça veut dire, c'est le même mot. Fait que tout à l'heure, ils cherchent 7 hommes qui vont servir l'Église de cette façon-là. Puis là, on ne nous a pas dit, prenez n'importe qui. Ils disent quoi? Prenez des hommes qui ont un bon témoignage, qui ont une vie chrétienne, qui fonctionnent bien, à qui vous avez confiance, mettez-les en place, ils vont s'occuper de ça. Parce que là, il y avait de l'argent qui passait là dans les mains. Et vous savez que l'argent, c'est toujours un problème. Les églises, même. Les églises, c'est un problème. L'argent. Bien des divisions dans nos églises sont arrivées à cause des argent. Et c'est toujours touché, l'argent. Hein? Connaissez-vous l'honneur le plus sensible? L'honneur qui relie le portefeuille au cœur. C'est bien difficile. Quand tu touches au portefeuille, touche pas ça, ça coûte cher. On a bien la misère avec ça. Donc, dans nos églises, même là, c'est touché encore. Mais, voyez-vous, ils vont prendre, là, ils ont un service à faire. Il y a quelque chose qui a besoin d'être fait dans l'église et on cherche quelqu'un pour le faire. On va nommer des serviteurs pour le faire ou des servantes, ça avait été dans une autre culture peut-être. Ou nous, on dirait des diacres pour le faire. Et c'est un diacre, pour moi, c'est nommé pour faire quelque chose qu'on voit un besoin. Il y a un besoin à faire, on cherche quelqu'un pour le faire, on le nomme. S'il n'y a plus ce besoin-là, il n'est plus diacre, le gars. Si, mettons, à partir de demain matin, ils ont des guichets automatiques, ils n'ont plus d'argent qui vient aux tables, ils ne sont plus diacres. C'est fini. Tu es nommé diacre pour un temps, le temps que le service est là. Alors, nous autres, on n'a pas de bâtiment, on ne peut pas nommer quelqu'un au ménage, ça n'existe pas chez nous. Hein? On ne peut pas nommer quelqu'un à des choses qu'on n'a pas. Mais mettons, on achète une bâtisse, on pourrait nommer quelqu'un. Bon, mais on a besoin que quelqu'un fait le ménage à la bâtisse, ben, on va nommer un serviteur ou une servante pour le faire. On aurait, je sais pas, d'autres choses à faire, ben, on va nommer quelqu'un pour le faire. C'est tous des serviteurs ou des servantes qui vont le faire. Puis il n'y a pas de service plus spirituel que d'autres parce que c'est tous les mêmes critères spirituels. Même pour l'ancien, c'est les mêmes critères spirituels que le serviteur qui, lui, va être en charge aux tables. Plein d'Esprit Saint. Les apôtres, t'as pas plus plein que ces gars-là. S'ils sont pleins d'Esprit Saint, ils sont pleins d'Esprit Saint. S'ils sont pleins de sagesse, ils sont pleins de sagesse. Ça n'a pas moins, un peu moins de sagesse que les apôtres. Mais non, c'est juste un autre. Les apôtres avaient reçu une tâche, hein, du Seigneur. C'était la prédication de la parole. Donc, nous autres, on va s'occuper de faire ce que le Seigneur nous a donné de faire, prédication et la prière. Mettez quelqu'un d'autre faire ça. Qui nous, on va continuer à faire ce qu'on doit faire, mettre en place les fondements de l'Église, qui était la parole de Dieu. Donc, pour moi, un diacre, ce n'est pas un titre officiel de quelqu'un qui est nommé là à vie, qui va être sur le conseil de l'Église. C'est un serviteur dans l'Église, point à la lettre. Nommez-le comme vous voulez, ça ne change absolument rien. Serviteur, diacre, diaconesse. Faites-le comme ça ne change rien. C'est que c'est des gens, qu'il y a un service à faire dans l'Église. Tu ne mets pas n'importe qui. Tu l'évalues avant. Tu vois si ce gars-là. Il a un bon témoignage, il est rempli d'Esprit Saint, il est plein de sagesse. Dans l'Église, les gens pensent du bien de lui, un peu comme Timothée. Hein? Deux églises, il recevait un bon témoignage auprès de deux églises. On ne sait pas ce qu'il a fait pour avoir ce témoignage-là. Mais dans les deux églises-là, Timothée a recevait un bon témoignage, Paul l'a pris pour l'amener avec lui, pour le former, pour qu'il prenne la relève avec lui, quand il ne sera pas là. C'était pas quelque chose de spécial. Nous, on pense toujours qu'il y a plus de spiritualité dans l'un que dans l'autre. Mais c'est tout pareil, là. Et Paul le dit dans Corinthiens, on a tous des rôles différents dans l'Église, des mains, des pieds, des yeux, des têtes, une tête, c'est Jésus-Christ, on est tous des parties du corps, on fonctionne tous. Tout ce qu'on fait, tout est aussi important. C'est pour ça que faut faire attention quand on veut nommer un pasteur. Oh, wow, là c'est important, hein, ça c'est important. Mais on va nommer quelqu'un qui va s'occuper du bâtiment. On peut prendre le dernier qui passe. L'important, c'est les mêmes critères spirituels. Il ne doit pas être moins bon chrétien que le pasteur. Il doit avoir la même foi. Il doit avoir une foi qui est identique dans le sens qu'il comprend les Écritures, puis qu'il sait c'est quoi les Écritures. Il croit la même vérité que nous autres dans ce sens-là. Il faut être sage, là. Si ça fait 3 ans qu'il est sauvé, puis ça fait 30 ans, on a une différence. Hein? Si je nomme un serviteur qui fait juste 3 ans qu'il est sauvé, ben il n'aura pas le même contenu dans sa foi que le gars, ça fait 30 ans. On comprend ça. Mais on a eu le temps de l'évaluer. On a eu le temps de la regarder aller, sa fidélité avec l'Église, son engagement, et de ça. Puis quand on parle avec lui, il y a une foi qui est en accord, peut-être pas complète, mais est en accord avec ce qu'on est en train de vivre. Et dans les églises baptistes, quand on nomme un pasteur révérend, on évalue sa foi. On aurait dû l'évaluer avant ça, selon moi, mais on l'évalue. Là, il y a une gang de monde qui pose des questions. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois pas? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Puis là, on évalue la foi. Puis on n'a pas le droit d'argumenter avec sa foi. On évalue si sa foi est baptiste. En fait, c'est, nous, on dirait en accord avec les Écritures. Si oui, OK. On ne jouera pas tous ces petits détails, là, dans le sens que si on met le prévu, il va nommer pasteur pareil. Mais on laisse qu'une foi chrétienne, évangélique, une foi que ce sont les Écritures. Si oui, ben là, il nous nomme un révérend, dans ce sens-là, de l'association. Moi, je ne suis pas révérend. Je n'ai jamais reçu l'association, la main d'association d'Église baptiste comme telle. Ça ne m'intéressait pas non plus. Et moi, probablement, j'avais été dans une église continue, dans la même église, dans une grosse église, ça a vraiment arrivé. Et vu que j'étais dans des églises qui étaient commencées, si je ne vous le dis pas que ça se fait, vous ne le savez jamais. Donc, je ne l'ai jamais dit à personne, donc je ne le savais pas. Ça ne m'intéressait pas de l'être non plus. Donc, ça ne nous donne pas plus d'autorité dans notre église. Ça nous reconnaît peut-être à l'association, pas bien plus non plus. Ça a tendance à avoir diminué pas mal, ça. C'est, quand ça a commencé les années 60, 70, les Anglais étaient bien forts. Le reverend, là. C'est-à-dire que quelqu'un qui était un reverend, c'était quelqu'un de spécial. C'était plus quand même que pasteur. C'est, parce qu'il avait été pasteur, passé à une étape plus haute. C'était comme une étoile de plus, c'est pas. Parce que là, il avait été évalué par tous les pasteurs. Tous les pasteurs disent une foi biblique. C'est bien, c'est correct. Moi, je ne dis pas que c'est pas biblique, c'est pas péché de faire ça. Mais c'est pas un absolu. C'est pas un absolu du tout. Donc, un diacre, c'est quoi? C'est un serviteur dans l'Église, tout simplement. Il y a quelque chose à faire dans l'Église, on cherche quelqu'un pour le faire et on vote. On peut voter, on peut juste le nommer, on peut le présenter. Les anciens, c'est dans l'Église, les 10 anciens pourraient être. On a choisi telle personne parce qu'on a vu qu'il y avait des capacités pour le faire. L'Église peut approuver ça, dire oui, c'est bien, ou elle peut juste dire on vous fait confiance. Mais il y a une façon de le faire. Mais il est nommé par les gens de l'Église. Parce que s'il peut être éprouvé, il va être éprouvé par qui? Par l'Église. Il ne peut pas être éprouvé par les voisins. Il ne peut pas être éprouvé. C'est, plus il y a de monde qui éprouve, c'est pour ça que je ne ferai jamais ça personnellement tout seul, parce que c'est trop risqué. Ça va bien, ça va bien, ça va mal, ça va mal. Tu reçois toutes les briques tout seul. Mais si on a pris son émissaire 10 pour le mettre en place, mais on va avoir chacune brique au moins. Je n'aurais pas été briques tout seul. Il y a plus de sagesse, hein? Un grand nombre de conseillers, plus de sagesse, plus d'intelligence, plus de clairvoyance si on se met à 10 pour le nommer. Puis quand on vote quelqu'un comme Daniel, mais vous l'avez tout vu depuis 2-3 ans, mais si vous pensez que le gars il est pas correct, mais hey, François, moi je pense qu'il n'est pas correct. Là. J'ai parlé avec la semaine passée, puis il me dit que là, il vole le gouvernement, puis c'est pas grave, parce que c'est des voleurs. Oups, on va peut-être. Hésiter avant de confier la trésorerie de l'Église. Et donc, il faut faire attention dans ce sens-là. Donc, puis ça, c'est le rôle de toute l'Église. Et plus les gens se connaissent dans l'Église, plus l'épreuve va être saine, parce qu'on se connaît. Si je, c'est pour ça que dans les grosses églises, on a arrêté de le faire, nous autres, à Vitrinville, parce que les gens ne connaissaient plus les gens qu'on présentait. Ils ne connaissaient plus. On disait, on va voter... Monsieur tel, diacre à quelque chose, serviteur. Ouais. J'ai parlé une fois depuis que je suis ici. Bon, je ne connais pas. Donc, c'était quasiment comme il signait parce que les pasteurs l'avaient dit. Là. On dit on fait confiance à ces gars-là parce qu'ils ont des prêts à admettre qu'ils doivent l'avoir testé. Donc, on a enlevé ça. On a mis ce qu'on appelle en place un comité de nomination. Ces gars-là cherchaient des hommes, des femmes, les évaluaient, évaluaient leur foi, leur vie, tout ça. Ils disaient, ouais, là, on les mettait en place. On les présentait à l'Église, mais on ne les votait pas. On a mis en place telle personne pour faire tel service à l'Église. Vu que le conseil était assez gros, puis le comité de nomination, ça faisait déjà une bonne évaluation dans ce sens-là. OK? Donc, c'est les diacres. Donc, c'est pas. Il ne faut pas en faire, dire, c'est comme ça, il faut que ça fonctionne. Les seuls absolus qu'on a, c'est quoi? Écriture morale, moraux qu'on a. Il doit être pas un nouveau converti, mais on doit l'avoir éprouvé. Il doit bien diriger sa maison. Et on le met en place. Ça, c'était des absolus. Le restant, faites-les comme vous voulez. Ici, Réal, je pense que ça fait 15 ans qu'ils ont un conseil, comment est-ce qu'ils appellent ça, un conseil? Provisoire. C'était provisoire longtemps, 15 ans. Il n'y a pas plus rien. Il n'y a pas plus permanent que les choses temporaires, qu'on dit. Donc, là, ils vont nommer cette année, ils sont supposés nommer des diacres là, pour la première année, et peut-être quelques anciens. Là, ils ont nommé Philippe comme pasteur. Donc là, maintenant, il y a deux pasteurs. Un pasteur senior, un pasteur apprenti, dans un sens. Donc, et ils vont peut-être, avec le temps, nommer d'autres anciens, puis des diacres. Ça veut dire qu'ils ont voté ça, là, et ils vont faire ça cette année. Donc, ils vont le faire à leur manière. Mais ça n'a pas d'importance. Je ne connais pas pour les manières. Ça n'a pas d'importance. Mais si vous pensez que la personne ne rencontre pas les critères, là, vous vous jappez. Vous jappez, puis jappez fort. Il ne rencontre pas les critères, puis dites-le, puis parlez-en avec les personnes, puis avec les dirigeants, si vous voulez parler avec les dirigeants. Cette personne-là ne rencontre pas les critères, il n'est pas honnête, il va vous dire pourquoi il n'est pas honnête. Okay. Mais vous devriez avoir parlé avec la personne avant d'avoir parlé avec le pasteur. C'est ça, mieux d'avoir la personne. Puis, il n'est pas honnête. On va lui dire qu'il n'est pas honnête. Qui t'a dit ça? Ben, c'est elle qui m'a dit ça. Oh, ben là, une espèce de grande langue sale, elle allait dire ça à tout le monde. Faut faire ça. Faut peut-être en parler, d'être bien sûr que ça peut être bon, des fois, si vous pensez que quelqu'un ne devrait pas être un diacre, de lui dire à cette personne-là. Moi, je crois pas que tu devrais être accepté la place, parce que dans ta vie, quand ça ne marche pas. Si tu veux accepter pareil, je vais être obligé de le dire aux personnes parce que je ne crois pas que tu devrais te le dire. Mais au moins, tu l'as dit à la personne avant. Et automatiquement, la personne ne peut pas t'en vouloir parce que tu lui as dit que tu le ferais ça. Ça l'acceptait quand même. On a déjà fait ça nous autres une fois à Victoriaville avec un ancien, un pasteur. On est allé le voir et on lui a dit, parce qu'il avait été nommé par quelqu'un dans l'église, on l'a mis en nomination. On avait été le voir et on lui a dit, tu devrais refuser d'être en nomination. Parce que ça. Et si tu acceptes, nous, on va trouver de le dire. Il ne devrait pas être mis ancien parce que ça. Il devrait retirer sa candidature dans ce sens-là. Donc, c'est mieux de le faire de même en secret, pour le dire. Pas en secret dans le sens négatif, mais pas humilier la personne pour rien parce que la personne a compris que c'est ce qu'on voulait dire parce qu'elle retire tout simplement. Mais que de le mettre en place, puis que ça fait du grabuge, puis que tu es obligé de l'enlever après ça. Je vais vous dire une chose. Le mettre en place, c'est toujours facile. Les enlever, c'est une histoire épouvantable. Les enlever, c'est toujours difficile. Pour n'importe qui. Les mettre en place, ça, on est homme. Des fois, on se retrouve avec des problèmes, puis on n'a plus qu'à les enlever. OK, on va terminer par un mot de prière. Notre Père du ciel, on a parlé de serviteurs, de servantes. C'est un privilège, Seigneur, que nous avons d'être appelés serviteurs de Dieu. Serviteurs du Créateur du ciel et de la terre. Serviteurs de notre bien-aimé Sauveur Jésus. Et Seigneur, nous voyons bien que tu t'attends à ce que les gens qui vont te servir ne sont pas des gens à deux faces. Comme tu dis dans le Sermon sur la montagne, des cœurs simples, non pas des cœurs doubles. Pas des gens qui font semblant ou qui vivent une religion ou qui sont juste là pour faire comme tout le monde, mais vraiment qui ont à cœur l'Église, qui ont à cœur l'œuvre de Dieu, qui veulent fonctionner, qui veulent avancer, qui veulent la croissance du peuple de Dieu, qui veulent la gloire de ton nom. Et aide-nous à être sages quand nous nommons en place des personnes qui vont représenter l'Église dans un domaine quelconque, afin que ton nom soit exalté et élevé. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Est-ce que vous avez des requêtes de prière que vous aimeriez qu'on mette en place?